me demande comment qu'il y en a qui sentent la sueur avec tous les savons qu'on fait maintenant. Je me demande comment qu'il y en a qui sentent la sueur avec tous les savons qu'on fait maintenant. Il y en a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, des noirs, ils ne valent pas cher. Je me demande comment qu'il y en a conduit linge sale avec toutes les lessives qu'on fait maintenant. Je me demande comment qu'il y en a conduit linge sale avec toutes les lessives qu'on fait maintenant. Il y en a des rouges, des bleus, des vertes, des jaunes, des noirs, elles ne valent pas cher. Je me demande comment qu'il y en a qui marchent à pied avec toutes les voitures qu'on fait maintenant. Je me demande comment qu'il y en a qui marchent à pied avec toutes les voitures qu'on fait maintenant. Il y en a des rouges, des bleus, des vertes, des jaunes, des noirs, et elles ne valent pas cher. Je me demande comment qu'il y en a qui couchent dehors avec tous les logements qu'on fait maintenant. Je me demande comment qu'il y en a qui couchent dehors avec tous les logements qu'on fait maintenant. Il y en a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, des noirs, ils ne valent pas cher. Je me demande comment qu'il y en a qui ont des enfants avec toutes les pilules qu'on fait maintenant. Je me demande comment qu'il y en a qui ont des enfants avec toutes les pilules qu'on fait maintenant. Il y en a des rouges, des bleus, des vertes, des jaunes, des noirs, elles ne valent pas cher. Je me demande comment qu'il y en a qui sentent la sueur. Je me demande comment qu'il y en a qui ont du linge sale. Je me demande comment qu'il y en a qui marchent à pied. Je me demande comment qu'il y en a qui ont des enfants. Peut-être n'y a-t-il pas assez de publicité.